Oh Marouf, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te revoir, la vérité. Il faudrait qu'on se voit plus souvent. Ah Raymond, comment tu vas? Ça va? Oui, effectivement, on devait se voir plus souvent. Ah voilà, il y a Gérard qui arrive. Comment tu vas, Gérard? Ah les amis, ça me fait très plaisir. Ça fait. Alors, qu'est-ce que vous faites ici au souk? Et voilà, je rencontre Marouf et maintenant je te vois, maintenant toi, Gérard. Ça fait longtemps aussi, hein, c'est vrai, hein. Ah oui, c'est vrai, hein. Venez me voir, venez me voir. Hein? Viens nous voir. Hein? Tu dis viens nous voir et tu nous donnes jamais l'adresse. Donne-nous l'adresse. Bon d'abord viens me voir et après je donne l'adresse. Oui c'est vrai, c'est logique ce qu'il dit après tout. Mais quoi on va te voir, tu nous donnes l'adresse. Et c'est sûr que je te donne l'adresse. Et pourquoi ça soit pas prendre un café, on va discuter du bon vieux temps. Hein? Ah c'est pas une mauvaise idée, hein, oui. Bien sûr, c'est pas une mauvaise idée, on devrait s'asseoir, mais allez, buvons un café. Garçon, trois cafés s'il vous plaît. Non, non, non, non, garçon, trois cafés. Non, non, c'est moi qui paye. Comment, Raymond, c'est toi qui paye, c'est pas toi qui paye. Si, c'est moi qui paye, non, non, non, non. Mais c'est moi qui ai dit trois fois les cafés, trois cafés. Donc c'est moi qui paye. Non, non, non, c'est moi qui paye cette fois-ci. Bon, éventuellement, je peux vous départager, je peux dire que c'est moi qui paye. Hein? Pas grave. Non, non, non, c'est moi qui paye. Ah, pourvu que. Bon. Non, non, pas du tout, Raymond, c'est moi qui paye. Non, non, c'est moi qui paye, je te dis. Bon, et puisque Marlouf se propose, alors tu veux payer? Bon, il n'y a pas d'autre solution? Ouais, bon, d'accord, je paye. Bon, alors c'est Marlouf qui paye, bravo, merci, hein. Trois cafés, donc voilà, ça fait 5,10 €, avec ou sans Mazar? Dans ce cas-là, je préfère sans Mazar pour moi. Hein. Sans Mazar pour tout le monde, je suppose, hein. Moi, je prenais bien une goutte de Mazar. Bon, alors en tout cas, sans Mazar pour moi, je préfère, hein. Ça fait combien, mais non? Ah bah c'était le même prix, c'est dommage, hein. Bon, mettons sans Mazar pour vous. Ah bon, pardon. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Marlouf? Raconte-nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, rien de spécial, la vérité. Bon, ça va, le commerce, gentiment, quoi. Rien de spécial, hein. Ah bon, ça va si mal que ça? Ouais, enfin, c'est pas terrible, quoi. Eh, Marlouf, je vais le dire. Il y a le bateau, là, que tu as commandé, là, pour le yacht, là, que tu as commandé, il est là, hein, il est arrivé. Hein? Marlouf, elle te parle, tu la connais? Non, je la connais pas, non, non. Oh, tu me connais pas, prie. Tu me connais pas? Je suis ta femme. Je dis quel yacht que tu as réservé. Ah, tu as un yacht? Non, ça dure enfin temps, on me l'a prêté, quoi. Pourquoi je ne vous fais pas visiter? Et en fait, c'est pas à moi, quoi. Je le garde et tout, hein. Comment c'est pas à toi? Un crédit sur 120 ans, tu as fait, oui, voilà, il y a un crédit sur 120 ans, donc c'est quand même. Bon, c'est pas à moi, mais c'est un crédit sur 120 ans, hein. C'est ce que j'ai dit, hein. Le commerce, il va pas très fort, hein. Enfin, ça va pas très fort, le bateau quand même il est là, hein. Enfin, le bateau, tu sais, hein, c'est vague, hein. Enfin, c'est vague, mais faut pas se voiler la face. Bon, Marlouf, maintenant, on va se combien de sang du sujet, hein? Hein? Il y a les merguez qui sont en train de couler. Où on les met? Demande au propriétaire du bateau, hein, c'est pas moi. Hein. Propriétaire du bateau, c'est pas toi, tu te fous de ma gueule? Je crois que le propriétaire là-bas, il a désigné un réfrigérateur là-bas. Tu peux me mettre là-bas si tu veux, hein. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il est fou, Marlouf, il est fou! Et regardez-moi ça, regardez-moi ce morceau-là. Oh là là là là là là. Eh ben, les deux, comme je plus court, on fait pas plus court, hein. Mon Dieu, oh là là là là. Mais elle va vers toi, Marlouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu la connais? Non, non, pas du tout, je la connais pas, non, pas du tout. Bonjour, tu te souviens de moi hier soir? Ah ouais. Au fait, il manque 50 euros, hein, depuis la dernière fois, là. Comment, madame, je vous connais pas, non? Non, non, je vous connais pas. Mais comment tu rougis là? Bah oui, mon chou, il manque 50 euros, hein? Je comprends pas, c'est quoi ces 50 euros? Tu peux m'expliquer, Marlouf? Mais qui c'est ça là? Je t'assure, je la connais pas, je t'assure, je la connais pas. Allez, c'est mon mari, tranquille, maintenant! Mais enfin, si tu veux, je te fais un prix pour la prochaine fois, hein? Hein? Au lieu de 50, je te fais 30, hein? Et puis tu complètes les 50 la dernière fois? Oh, oui, je me souviens, j'ai acheté des carottes chez elle, oui, je me souviens. Ouais, bah alors elle était petite la carotte, hein? Oui, enfin, des petites carottes, quoi, oui, je comprends. Ouais. Oui, c'est ça, de la carotte avec deux oignons. Pourquoi tu rigoles? Non, j'ai compris. Tu as compris quoi? Et tu as acheté de la carotte avec des oignons, c'est tout. C'est pas plus simple à comprendre, hein? Alors. Bon, ça suffit les histoires de carottes, tu dis. Les sandwichs, je les ai mis là-bas, hein, d'accord? Et j'ai mis un cadenas parce que je me méfie de toi, tu sais, tu comprends, hein? Ah, mais ça va, je suis au régime, t'inquiète pas, oui. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu deviens? On n'a pas parlé de toi. Et moi, tu sais, Le prêt-à-porter, hein, pareil, c'est comme toi, hein, le tissu, bon, ben, c'est plus ce que c'était, hein. Ça perd en qualité, alors... Il y a forcément moins de ventes, hein. Bon, c'est comme ça, hein. Ah oui, on est tous pareils, hein, de toute façon. Tu vends quoi comme tissu, à peu près? Ben, moi, tu sais, je vends le noir, hein. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'enterrements, alors, tu sais, ça marche très bien, le noir, actuellement, hein. Puis, non, mais ça marche très bien, hein. Le noir, il fait celui-là, mon peu. Non, je vous en prie, Arlette, n'ayez pas des idées noires, s'il vous plaît. Non. C'est à la mode, ça se passe très bien. Regardez, Patrick Bruel, il porte noir. Et tu dis le noir, mais excuse-moi, la dernière fois, je t'ai vu, tu étais avec une dame, c'était du blanc, hein. Je crois que c'était pour sa robe de mariée, non, je crois, hein. Oui, je me rappelle, oui, c'était sa robe de mariée, hein. C'est... Oui, tu es resté d'ailleurs plus de 3 heures avec elle, je crois, dans les trucs, là, pour les... Oui, c'est pour l'essayage, c'est normal, oui, d'accord. Elle a réussi à rentrer dans la robe. Bah, c'est-à-dire, tu sais, j'ai un peu dégonflé le sujet, puis ça rentre, hein, comme, c'est comme dans les ballons, tu sais, tu dégonfles, ça rentre, hein, tout de suite, hein. Ah bon, tu t'es pas dégonflé, toi. Oui, mais non, ça lui va bien. Ah, tu pars, ça lui va super, tu sais, hein. Et c'est ce qu'elle voulait, elle m'a dit, je veux une robe qui me sert bien, de façon... Parce que le problème, c'est ce qui est bien, c'est que ça sert, donc ça donne une forme, une certaine forme. Mais après, quand elle enlève sa robe, ça fait un petit peu le petit côté transformable, tu vois, là. Donc ça fait deux versions des choses, hein. Voilà. De toute façon, transformable ou pas, bah, les femmes, c'est une transition de la nature, hein. Comment? Enfin, je me comprends, quoi. Ah, et toi, Marc-Louf, on n'a pas parlé de toi, qu'est-ce que tu deviens? Eh bon, comme d'habitude, au chômage. Et pourtant, hein, Dieu merci, tu dis que tu es au chômage, mais faut dire, faut croire, quand on mange chez toi, c'est formidable, hein. Mais Dieu merci, tu sais, il y a des miracles dans la vie, hein. Il y a de tout chez toi, hein. Que nous qui gagnons un peu plus que toi, on n'a pas ce qu'il y a chez toi à manger, hein. Ah oui. Et tu regardes-moi. Qui te dit que... Mais on me donne, moi. Je vais dans les bar mitzvah, je vais dans les mariages, je vais dans les synagogues, et je récolte, c'est normal, je mets de côté, c'est tout, hein. Alors, la nourriture, il y a toujours, hein. C'est pas un problème, la nourriture, hein. Il suffit d'être économe. Et dans ce cas, il faut avoir un grand réfrigérateur et un grand congélateur. Un congélateur, oui. Oui, certainement un congélateur. Et la télé, 5 mètres sur 4 mètres que tu as acheté, c'est aussi un congélateur. Il faut la mettre au congélateur, non? La télé, c'est un cadeau, la télé. Qu'est-ce que tu as? Arrête de. Mais c'est des choses qu'on a. Quand on vivait avant, on avait de l'argent, et ben on avait acheté la télé. Mais laisse-le tranquille, Raymond. Tu vois pas que. Mais laisse-le tranquille, dis-moi. Marc-Louf, je veux dire. Tout le monde a le droit d'avoir une télé quand même. Encore un peu, tu vas lui dire pourquoi son pageon rouge, il va pas au congélateur. Oui, quoi, alors. Oui, tu as sans doute raison, moi. Enfin, faut que je vous laisse parce que je dois ranger là pour le yacht là qu'on m'a prêté. Allez, dis-le, c'est ton yacht, dis-le, hein, alors il veut pas dire, hein. Et enfin bon, c'est un crédit, quoi. Et peut-être encore un peu, il partait sans payer les cafés. C'est toi qui paye les cafés. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, je vais faire un petit crédit sur 30 ans. Un crédit sur 30 ans, il se fout de notre gueule. Eh, c'est vrai, le pauvre, laisse-le, dis-moi, il a un yacht, il peut pas payer. C'est logique, non? Oui, c'est vrai, c'est logique. 120 ans de crédit.